Yeah. Ok. Et l'ami, laisse-moi passer, même si j'ai pas la cote, c'est fini, les Kairas sont fashion et non plus en la cote. La vie me consume et je suis perdu dans le cendrier. Tu sais, ça fait longtemps que je galère car je suis la cendrier. J'ai la dent dure car du plombage dans les molaires. Encore dans l'ombre, je mets la lumière sur la langue de Molière. Toi t'as la rage, ah bon, je m'arrache à la tâche dans le son. Et je fais place à la page à fond, loin du troupeau et loin d'être malhonnête. Non, je le dis tout haut, moi je suis trop fier pour faire la marionnette. J'aime la vie simple car je suis qu'un enfant de l'opaque, dis-toi. Depuis gamin, je suis bercé par le chant du parc. Je reste stoïque, surtout quand faut y aller. On m'a dit, fais un choix entre alcoolique et faux allié. Je me fous des rouleaux son trop souvent théoriques. Ça me fait galerie, l'ami, tout comme le mouvement tectonique. Je suis qu'un simple rêveur, je le dis et je l'assume. Je rappe avec le cœur, oui, et je m'amuse. Je suis qu'un simple rêveur, je le dis et je l'assume. Je rappe avec le cœur, oui, et je m'amuse. Ça fait un bon bout de temps que j'ai voulu en contresens. Endolori, mon cœur a besoin d'essence. Ils veulent nous mettre des bâtons dans les trous. Main, si tu me cherches, je te jure, tu me trouves. Incohérent, toujours sur place avec un bon élan. Dans le rap, trop de chiens errants et c'est intolérant. Oh, du maison sonore, je m'en bats les reins de pas plaire. Frère, t'as mis des barrages, ok, c'est un bras de fer. Ne t'inquiète pas, je suis ingénieux comme le coyote. Boy, ce n'est pas grave si tu comptes nous boycottes. Emporté par le vent, débordé par le temps, ils ont voulu me freiner, même encore dans le ventre. Gardez vos langues de pute, mon équipe restera la même. Ma femme, la même, ma motive, la haine. Je danse avec mes soucis à la Patrick Choisy. Je prends du bon côté vu que Shetan m'a choisi. Je suis qu'un simple rêveur, je le dis et je l'assume. Je rappe avec le cœur, oui, et je m'amuse. Je suis qu'un simple rêveur, je le dis et je l'assume. Je rappe avec le cœur, oui, et je m'amuse.